La subjectivité va même prendre le visage de l'objectivité. Pourquoi? Parce que pour les collectifs de l'objectivité, c'est au fond leur intersubjectivité. Pour eux, c'est ça, de l'objectivité. D'où le fait que les institutions d'enseignement ne sont que programmation et conditionnement et servent à freiner l'individuation au fond. Un être là qui serait profondément parasité par les plans mémoriels ne sera plus adapté à la vie de ces collectifs-là, mais d'un autre côté, un être qui est très très mentalisé, eh bien, ce sont les collectifs qui ne sont plus adaptés à lui. Donc, il y aura de plus en plus de gens qui seront leurs propres patrons, tout simplement parce qu'ils n'auront pas le choix d'agir autrement, car quelqu'un qui voit ces choses-là sait que le libre arbitre est une illusion. Donc, il n'a pas à y penser ou à y réfléchir, et s'il en a la volonté d'époluer, si on peut dire, deviendra créatif. Par rapport là, au plan mental, si nous considérons que l'être humain, c'est de l'intelligence sous une forme anthropomorphique, nous considérons, nous voyons que le plan mental est encore anthropomorphisé. Il n'y a plus besoin de parler avec eux autres, là. C'est fini par rapport à un niveau de réaliser ça, parce que ce serait de l'anthropomorphisation. Donc, jusqu'à un certain point, le dialogue s'arrête et l'information parvient directement par rapport au contact. Il n'y a pas besoin de dialogue, puis il y a de l'information qui rentre. Si nous sommes passés du « je » au « tu », nous passons du « tu » au « nous », et puis nous sortons de la personnification de ce type d'intelligence-là. Et ça, ça fait partie de ce qui est en cours de formation